Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions Damage ont le plaisir de vous présenter Sharh Thalatha al-Usul li Fadilat al-Sheikh al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bidammaj. Cours numéro 16. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم ما الدليل أن الرب هو الذي يستحق العبادة ما الدليل أن الرب هو الذي يستحق العبادة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم أحسنت يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من يذكر دليلا على بعض آيات الله ومن آياته الليل ما يكفي أحسنت طيب يكفي ومن آياته الليل والنهار من هو الرب عند من هو الرب الرب ذكر شيخ العثيمين صفات يتصف بها الرب ما هي الرب هو المالك الخالق المدبر احسنت قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة هذا ذكره شيخ الإسلام بالمعنى أما بالنص قاله قال ابن كثير في تفسيره بالنص قال فبهذه أو فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره انتهى من التفسير فكلام شيخ الإسلام بالمعنى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة أما قول ابن كثير بالنص قال فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره انتهى كلام ابن كثير واضح أن الخالق لهذه الأمور هو المستحق للعبادة celui qui a créé tout ce qu'on a vu auparavant tous les signes qu'il a cités al-layl al-nahar fa la shak annahu yastahiq al-ibada celui qui est caractérisé par le mulk qui possède tout qu'a créé celui qui mérite d'être adoré qala shaykh al-uthaymin rahimahullah ta'ala ibn kathir qala huwa imaduddin abu al-fida إسماعيل بن عمر القراشي الدمشقي الحافظ المشهور صاحب التفسير المشهور تفسير القرآن العظيم من أحسن التفاسير قال والتاريخ أي البداية والنهاية كتاب البداية والنهاية وهو من أحسن ما كتب كذلك في التاريخ فابن كثير رحمه الله إمام في التفسير إمام في التاريخ، إمام في الحديث، فهو من أئمة أهل السنة رحمه الله. قال من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، استفاد من ذلك العالم، ذلك البحر رحمه الله شيخ الإسلام. فالحافظ ابن كثير ثمرة من ثمرات دعوة شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. قال توفي سنة 74 و700، استفاد منه، وله كتب كثيرة، كتب كثيرة في السيرة وفي الحديث. ومن أشهر مصنفاته التفسير رحمه الله. قال شيخ العثيمين لما أو نقرأ بعدها، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قالوا أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخر. قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، بين فيما يأتي شيئا من أنواع العبادة، فقال وأنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان. نعم، الشيخ أو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما بين أن الله هو المستحق للعبادة ذكر، سيذكر الآن أمثال أو أمثلة. الآن إذا مدخك الله سلوك من غير الأدغاشن السن، الآن يبعنوا مدخي دي أدغاشن، le fait de demander de l'aide, le fait de gorger, le fait de كذا، et il va nous donner avec chaque adoration un dalil. فالآن يعني نحن نقرأ. قال شيخ العثيمين رحمه الله وهذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي الدين، كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعروف أو المشهور بحديث جبريل، وتقدم شرحه في درس الأربعين النووية. أما الآن شيخ العثيمين يذكره ليبين لك أن الإسلام والإيمان والإحسان سدين، أن الإيمان والإسلام والإحسان سدين، كما قال في آخر الحديث جاءكم يعلمكم دينكم. فجميع الدين مبني على هذا، الإسلام أي الأركان الخمس، الإيمان الأركان الست، والإحسان. وهذا سيأتي معنا الآن شيخ العثيمين اللامي، لكن وبعضه ديتاي. هذا الأصل الثاني صبيت الإسلام والإيمان والإحسان إبعاد ديتاين. أما الآن يتمنطخي كتو ساس رأس الدين فقط. قال صلى الله عليه وسلم أو رضي الله عن عمر قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اضطر علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال، أي رجل جاء أنهم يدفنوا على النبي عليه الصلاة والسلام ils l'ont jamais vu hum la ya'rifu minna ahad, personne le connaît, et il avait des habits blancs et propres et il avait des cheveux noirs. فلهذا قال ليس علي اثر او لا يرى علي اثر السفر، لان تعلمون على الفوق حتى الان dès que tu voyages tu vois si quelqu'un يعني il a voyagé بالتعب خاصة في ذلك الزمن la poussière la كذا la كذا. اما هذا الرجل il est venu les voir, ils l'ont jamais vu. Et ils ont su que c'était pas un voyageur. Ça serait un voyageur, il n'aurait pas des habits aussi blancs et des cheveux aussi noirs. C'est pas possible. Ils montent sur des montures, il y a le désert, il y a Kata, tu peux pas arriver à Kata. Ils ont été étonnés, hum, ta'ajjab. Ils ont été étonnés de cette personne. قال ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. نعم، il est venu et il s'est assis avec le prophète عليه الصلاة والسلام. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فسأل إلى ما ذن كسيه أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. Al-An, ils ont encore été plus étonnés. Yana, ils ont demandé, ou la personne hadi, elle a demandé au prophète, c'est quoi kada, c'est quoi kada, c'est quoi kada, c'est quoi l'islam? Et Houa, alayhi salatu salam, Nabi répond, il a dit l'islam kada, et à la fin, Houa, il a prouvé, il a dit, sadaq, c'est vrai. Bon, mais ils ont été étonnés, comment tu poses une question et tu connais la réponse? وهذا في دليل على ماذا وانا يبخل فائدة من هذا في الأربعين أحسن فماذا يفعل نعم من باب استفادة للآخرين أحسنت أنه يجوز تكون كيك شوز et tu poses la question لكن من باب ماذا que les autres y profitent ça c'est دليل المسألة هذا الحديث فجبريل connaissait il sait c'est quoi l'islam لكن il a posé la question pour que les autres يستفيدون فلا بس tu poses une question tu connais la réponse من باب استفادة للآخرين فقال رسول الله أو نعم أو قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت انظروا إلى encore إلا prouvé قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفات العرات العلاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أي قال له رسول الله يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا الشاهد شرع تيمين الحديث اللي أمني بخصة أي كل الإسلام والإيمان والإحسان سلا غوليجون كومبلت أما الحديث يعني أركان الإسلام أركان الإيمان شرع تيمين يبقى les expliquer plus tard فلا حاجة pas besoin d'expliquer tout de suite قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء هي الدين وذلك أنه أو أنها متضمنة للدين كله نعم متضمنة للدين كله الإسلام للسانك أركان الإيمان للسي أركان الإيمان والإحسان tout ça c'est الدين الدين يتورن autour de ces choses إما أعمال ظاهرة إما أعمال باطنة وهكذا قال الشيخ الإسلام وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله الآن شيخ الإسلام يتمنطر تدني دي زيكزامبل عبادة الدعاء لا فوكاسيون لا بور الرجاء الاسبيرانس التوكل الرغبة الخشوع tout ça c'est des exemples de عبادة et à la fin il a dit وغير ذلك tant que c'est une عبادة elle doit être لله c'est qui nous rappelle le تعريف de العبادة تعريف شيخ الإسلام تفضل يوسف أحسنت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة c'est ça l'ibada l'ibada c'est tout ce qu'Allah il aime comme parole et action que ça soit apparent ou caché tout ça ça s'appelle l'ibada tant qu'Allah il aime et c'est une parole ou une action apparente ou cachée c'est une ibada enfin Cheikh l'Islam lui t'a donné des exemples il t'a donné des exemples de l'ibada mais l'ibada est il y a beaucoup إكرام الجار إكرام الضيف الصدق الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الجهاد الدعوة توصل سيد عبادة توصل الله إلا فشغل الإسلامي نزادوني كالكوز إكزام قال شرع تيمين أي كل أنواع العبادة مما ذكره وغيره أو ما ذكره وغيره من أنواع العبادة كان وغيره أو غيره لا وغيره لله وينظر لله وحده لا شريك له فلا يحل صرفها لغير الله تعالى هذا ما من عبادة une adoration t'as pas le droit de la donner à autre qu'Allah ملك مقرب نبي مرسل ولي شجر حجر t'as pas le droit أنواع العبادة تقسم عبادة تندرج جزء العبادة اللي كبر الله عز وجل Et on va voir qu'il y a des tafsils après. Mais qu'il y a le dua, on va voir que le dua, c'est kada. On va voir le khawf, il y a un khawf tabi'i, il a akhiri. Amma l'asl de l'ibadah, hada. L'ibadah, elle est lillah. Et l'an, Cheikh Al-Utaymin, il va rentrer dans les détails. Qala. Qala, والدليل, qala Cheikh Al-Islam, rahimahullah, والدليل, qawluhu ta'ala, wa anna al-masajida lillah. Fala tad'u ma Allahi ahada. Tout ça, on a vu. Tout ce qu'on entre dedans, on a vu avant. Allez, hada, on n'explique pas tout. Celui qui a raji, c'est واضح. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. Cheikh l'islam, rahimahullah, il te montre que celui qui donne une adoration à autre qu'Allah, c'est un kafir. C'est un mushrik. Il sort de l'islam. Le dalil, c'est quoi? C'est la ayah qu'il a cité. وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَىٰ آخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. Il a fait du shirk. مَنْ يَدْعُوا أي مَنْ يَعْبُدْ. الدُعَاء هو العبادة. الدعاء تطلق على العبادة. وبابغ أن الدعاء قسمان. دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالسلوي كدن إن أدغاشوا أدخك الله تسكدي الله عز وجل لما إنه لا يفلح الكافرون. Il les a appelés kuffar. Allah, il a appelé ceux qui donnent une adoration à autre que lui, kuffar. هذا الشاهد. هذا الشاهد من الآية. قال الشيخ العثيمين رحمه الله أي في الشرح هذا قال ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع العبادة وذكر أن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر واستدل بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هنا بيكون فائدة عند أحدا. ما هي؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. سيكون فائدة عندك. فماذا؟ أحسنت. أنا أحدا نكرة في سياق النفي أو النهي لا تدعو. خاصة القاعدة والغرب تكتا نهي. مثلا تدي لا تفعل شيئا نكرة في سياق النهي لا يفيد العموم. فعند الآية فلا تدعو مع الله أحدا. أحدا إلى نكرة إلى أن ديفيني كما يقول أحدا تنوين في سياق النهي أي تبال دوا دادوري بيرسون. C'est pas que le gars nous dit non mais lui c'est un wali, non lui c'est un prophète, non le soleil il est kadala, ahadan, personne c'est personne. فاستفدنا من هذا العبادة حق لمن؟ إلا قال ومن قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال ووجه الدلالة. وجه الدلالة أي pourquoi شيخ الإسلام إلى cité ce verset. وجه الدلالة أي لماذا إلا ميسي. فسي je vous demande وجه الدلالة من الآية c'est quoi. Pourquoi شيخ الإسلام إلى ميسي ce verset ici. عند من؟ Je viens de la citer à une minute. Indak. C'est quoi fil ayah? Il est shahid. La yuflihu. Ahsan. C'est ça wajh dalala. Alors celui qui donne une autre adoration à Allah, Allah il l'a appelé kafir. Le cheikh l'islam il t'a amené le dalil pour montrer. Annahu il ne parle pas min nafsih. Annahu c'est pas lui qui a kaffar fulan fulan. Non. Celui qui fait du shirk, c'est un kafir. Hatta nous l'an, on dit ça. On dit celui qui adore autre qu'Allah, c'est un kafir. Personne pour nous dire, non, vous êtes des takbir, vous voulez. Non, c'est Allah qui a donné ce hukm. Nous, dans l'aïa, la yuflihul kafiru. Allah, il les a appelés kuffar. Hatta la dîn l'islam. Il est même lié à la adilla. C'est pas moi, j'ai envie de kaffar, toi, t'as pas envie. Moi, si je kaffar, tu dis, je suis un takfir. Si tu kaffar pas, je te dis, t'es un mordi. Là, c'est pas un kada. Ad-dalil. Celui qui a dalil, on revient tous. Si tu khalif dalil, fa. الآن على خطر لأن يبدو هوا في هذا يبدو هوا تبلغ تبلغ تشوف تنطر نفس نوم يجنو كفر باي اللي قال لا إلا في الساعة يعني on parle de l'œuvre الآن on parle pas de la personne on avait dit c'est autre chose لكن l'œuvre ça c'est du coffre انتهى après la personne il y a الشروط الموانع كما تقدم. أما بعض الأمور c'est واضح celui qui fait un sujoud لغير لا يكفر. Il y a que forcément s'il est majnoun. Yani, c'est le chourot, il y a que ça. Peut-être il est majnoun, peut-être il. قال ووجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع السجود أو أعضاء السجود لله. قوله وأن المساجد لله. المساجد فيها اختلف العلماء بعضهم قال مساجد أي موضع السجود المساجد المسجد أو المساجد الجمع سأكتفى السجود اكتفى السجود مثلا لا موسكي هذه سأن أدعوه كون فعل أبخير وفي السجود صف المساجد كذلك مساجد قالوا أعضاء السجود ما معنى أعضاء السجود عبد الملك نعم أي الجوارح أو الأعضاء التي تسجد عليها كما في حديث ابن عباس تقدم معنا في البخاري في درس الشيخ قبل يومين وهكذا من يذكرنا بالحديث حديث ابن عباس على سبعة أعضاء الجبهة وأشار بيده إلى أنفه كما أصبع اليدين قبل القدمين اليدين والركبتين والقدمين أطراف القدمين أبيك الجبهة أبيك الجبهة صف الست فالمؤمن مأمور أن يسجد في صلاته على سبعة أعضاء ست مم le nez et le front ça fait un membre il le compte un les deux mains ça fait un on ça fait deux ça on est à trois les genoux ça fait cinq et le bout des pieds les doigts les orteils ça fait sept ça fait sept fa le masajid بعض العلماء يريدون هذا اي les membres les membres fa l'aya ça va donner quoi le معنى وان المساجد لله dans les deux cas le معنى est bon al masajid si c'est les lieux pour faire le sujoud les mosquées c'est à Allah حتى المسجد تلفل بيت الله يا با ديشكال كذلك للمور للمور الله سي الله كي ليزاكف ف وان المساجد لله هذا وهذا لا بس قال وهي مواضع السجود او اعضاء السجود لله ورتب على ذلك قوله او قوله فلا تدعو مع الله احدا que ça soit avec tes membres ou à la mosquée, tu n'as pas le droit d'invoquer autre qu'Allah. Le masjid, il est l'Allah. Tu invoques Allah seul. Dans la mosquée, avec tes membres. Tu n'as pas le droit de faire un sujoud de l'Allah. Tu n'as pas le droit d'invoquer autre qu'Allah dans la mosquée ou faire la mosquée. Tu n'as pas le droit. Tout ça, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est le Khaliq, c'est le Malik. Fa yastahiq al-ibadah. Qala rabbukum d'ouni. Ou, ya ayyuhannas, u'budu rabbakum. Qala, فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا معه غيره فتسجدوا له ووجه الدلالة من الآية الثانية بأن الله سبحانه وتعالى بين أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه كافر هذا الشغل الإسلام إتا مدخي أولا كالله سلك خاطر ثم إتا مدخي كالله سلوك مغيت لأدوغاسيون ثم إتا مدخي des exemples d'adoration ثم à la fin il t'a montré que celui qui est associé avec Allah dans une de ses adorations il sort de l'islam c'est un kafir enfin, c'est ça le tertif de l'islam il te montre tawhid rububiyya thumma il nous a montré tawhid uluhiyya thumma il nous a montré celui qui fait du shirk dans l'uluhiyya c'est un kafir hala al-murad qala li annahu qala innahu la yuflihu al-kafirun na'am ça montre quoi ça montre que celui qui adore autre qu'Allah il va à sa perte c'est-à-dire il a mis la yuflih Al-Falah, c'est la réussite. Enfin, celui qui adore autre qu'Allah, la yuflih, il ne va pas réussir. Voilà, il n'a pas de chasserie. Allah, hakama, n'a celui qui veut du shirk, il va à sa perte. Wal-Asr, inna l'insana la fi khusr, illa ladhina amanu. Wal-Iman, il est mabni ala tawhid. Celui qui n'a pas l'Iman, il est fi khusr, il va à sa perte. Fa-Al-Mushrik, la yuflih. Al-Mushrik, il est perdant, moi. Il est perdant. La tartar bihalihi bi dunya. Il a des enfants, il a des voitures, il a du mal. Il va à sa perte. Mata'a qul mata'a dunya, qalil. Ça, c'est. Ça va vite passer, ça. Kamin kuffar, ils ont de l'argent, une maladie, il t'a l'amr. Il meurt, après il est fait khusran. Abad al-abidin. Fa al-mushrik wa al-kafir, il est fait khusr. Il est fait khusr. Al-mu'min, il est fait falah. Tant que c'est un mu'min, il est tawhid, il a salat, il est. إن شاء الله إلى على خير إلى على خير ولو حصل الشيء من الضعف المؤمن يتوب يستغفر ومن حقق التوحيد إلى في فلاح إلى في فلاح Ça te montre l'importance du tawhid et la gravité du shirk. قال وفي قوله لا برهان له به إشارة إلى أنه لا يمكن يكون برهان على تعدد الآلهة فهذه صفة فهذه الصفة لا برهان له به صفة كاشفة. قد يقول قائل قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به أي celui qui invoque الله عز وجل sans preuve. Une personne elle peut se dire si j'ai des preuves je peux invoquer. Mais Allah il a dit celui qui adore autre qu'Allah sans preuve. Une personne elle veut se dire si j'ai des preuves je peux. Mal jawab. Mal jawab. Si tu as des preuves tu peux adorer autre qu'Allah. فلماذا il a dit la burhana lahu bih. C'est pour montrer qu'il n'y aura pas de preuve. Ça ne veut pas dire que qawluhu wa man yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana lahu bih. Ça veut dire que anta tu vas et tu cherches des preuves. Tu dis ah c'est bon, j'ai trouvé une preuve, je peux adorer Fulan. Là, la burhana lahu bih, ce n'est pas kashifa. Elle te montre que tu n'auras pas de preuve. Fal aya la mafhoum laha ay mafhoum mukhalafa. Ça ne veut pas dire al aya wa man yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana lahu bih. C'est pas tu comprends? Si j'ai un burhan, je peux adorer autre qu'Allah. Là, il n'y a pas de mafhoum fi hada. Allah il a dit la burhan à la oubé, tu ne trouveras pas de burhan. Et il n'y a pas de burhan. C'est impossible. Et Allah, il est le créateur, il est unique. Enfin, c'est lui qui mérite l'adoration unique. Tu ne pourras jamais trouver une preuve comme quoi Fulan mérite l'adoration. Non. Si tu dis Fulan mérite l'adoration, tu l'as mis Rabb. Wa hada kufrun billah azza wa jalla. فلا برهان له به صفة كاشفة قال مبنية للأمر وليس صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان لأنه لا يمكن أن يكون برهان على أن مع الله إلها آخر. نعم هذا واضح أنه شيخ العثيمين يتكسبيك ça veut pas dire que celui qui adore Allah عز وجل sans preuve ça veut pas dire que si tu trouves des preuves tu peux adorer. لا لا ولا أحد يقول بهذا مفهوم. اختصر الكلام غيرك فؤاد نعم فقول قول الله عز وجل لا برهان له به ماذا نعم فذكر الله عز وجل هذا انه لا يجد سبب قادر يا مفهوم قادر يا مفهوم اي مخالفه انك سي تو تروف تو بو نو الله تا ميسا كما قال امر انك تو تروفغا با بروف تو تروفغا با بروف هذا طيب فهمتم. Si on a compris qu'Allah c'est le Rab, ou alhamdulillah on a compris, hatta al-kuffar ya'taqidoun hadha, anna Allah c'est le créateur ila akhiré, thumma na'taqid anna Allah c'est lui qui mérite l'adoration. Et on a cité, il a cité quelques exemples d'adoration, et on sait que celui qui donne l'adoration à autre qu'Allah, il sort de l'islam, c'est un kafir. Al-an, chez l'islam, il va donner des exemples d'adoration. Al-du'a, et il va donner un dalil. Al-khawf, il va donner un dalil, et l'akhir. نأخذ ما نستطيع. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. العبادة الأولى la première adoration qui va nous donner sur l'islam c'est الدعاء الدعاء l'invocation. Ça, c'est la première. Il a donné deux dalils pour l'invocation. Le premier, mina sunnah, ad-du'a, mukhul ibad. Et le deuxième, mina al-Qur'an. Wa qala rabbukum, ud'ouni. Ud'ouni. Fa hakada, hakada talib al-ilm. Wa min bab awla al-alim. Yastadil bil-Qur'an wa bil-sunnah. C'est ça l'adillah. Il n'a pas dit, chez l'islam, mon père, il m'a dit, ou j'ai entendu, ou j'ai lu quelque part. Il a dit, وفي الحديث كذا والدليل قوله تعالى كذا انتهى. Deux dalils pour le dua. والأول ضعيف الدعاء مقل عبادة ضعيف قال أخرجه الترمذي إلى ضعيف فيه ابن لعيعة أي ضعيف كذلك عن عنت الوليد على كل حال الحديث إلى ضعيف حتى الترمذي قال غريب من هذا الوجه فالحديث إلى ضعيف الدعاء مخ العبادة يعنوت دليل يعنوت حديد يبقى بلاسي شوي لعصي كوا الدعاء هو العبادة للصحيح فنحن قول الشيخ الدعاء مخ العبادة يعني الضعف لكن حديث في الغسام الدعاء هو العبادة قال الشيخ العظيمي رحمه الله تعالى هذا الشروع من المؤلف رحمه الله تعالى في أدلة أنواع العبادة التي ذكرها في قوله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء فالآن شيخ الإسلام va rentrer et va nous citer des adorations. لماذا va nous citer ça شيخ الإسلام لماذا الآن on va voir si vous suivez لماذا الآن il nous cite des adorations il va nous dire kada kada ça sera quoi t'es obligé de connaître quoi Ahsant sur l'islam il va te montrer des adorations pour te montrer que ça c'est pour Allah il va rentrer dans le dua il va te montrer que tu invoques Allah seul après il va te montrer la peur il va te montrer kada tu dois connaître les ibadah et tu dois apprendre c'est quoi le shirk. Le résultat ça va être quoi que tu vas adorer Allah seul et c'est ça al-ma'mur c'est ça al-matlub mink قال واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء مخ العبادة وانتبه لقول شيخ العثيمين يروى عن النبي ça montre que même شيخ العثيمين رحمه الله تعالى il a pas dit c'est grâce au Nabi qu'a dit là il a dit on rapporte que le prophète il a dit ça montre qu'il y a un ضعف ça montre que le hadith est ضعيف فالحديث est ضعيف بلا شك قال أنه قال الدعاء مخ العبادة واستدل كذلك بقوله تعالى قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين السنة أو الحديث الدعاء هو العبادة لواضح l'invocation c'est l'adoration ça c'est واضح le verset واضح وقال ربكم ادعون أي invoquez moi ça montre que c'est une invocation Allah il t'a demandé ah oui il t'a ordonné de l'invoquer ça c'est une invocation enfin, pour l'instant là, ça veut dire que l'invocation c'est une adoration avec un dalil de la sunna et un dalil du Coran قال فدلت الآية الكريمة على أن الدعاء من العبادة ولولا ذلك ما صح أن يقال إن الذين يستكبرون عن عبادة سيدخلون جهنم داخرين الآن شيخ العثيمين تموتخ لماذا الدعاء سن عبادة par rapport au verset qui c'est qui nous explique ça serait pas une عبادة فضل فؤاد أحسنت لأن الله تدي أدغموا أو أنفقموا ثم إلى دي c'est lui qui m'adore pas kada ça montre que l'adoration c'est l'invocation c'est une adoration mais après le dua il a mis ibadah fa l'invocation c'est min a'zam al ibadat c'est pour ça le Nabi sallam il a dit ad-du'a huwa al ibadah et on va voir dans les ahsan de l'ibadah de du'a an ad-du'a du'a ibadah wa du'a mas'ala qala faman da'a ghayra Allah azza wa jall بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو ميتا الآن الشيخ العثيمين يبقى ندلي الحكم celui qui invoque autre qu'Allah il y a plusieurs cas un cas ça va être du kufr et du shirk et un cas ça va pas être du kufr et ça va pas être du shirk المسألة تدور على ثلاثة أمور أن يكون الشخص حيا حاضرا قادرا retiens ces trois choses حيا حاضرا قادرا أي si la personne elle est vivante. Hein, on est en train de parler, tu invoques une personne. Si elle est vivante, c'est la première chose. Elle est capable, qadiran. Et elle est hadir, elle est présente. Enfin, c'est trois choses. Si tu lui demandes quelque chose, c'est pas du shirk. Exemple. Je demande à Nour. Nour, il est présent. Il est vivant. Il reste le troisième. Est-ce qu'il est capable ou pas? Une personne, elle demande à Nour. Nour, prête-moi ton stylo. Fais l'oral arabia. C'est Abida. Il y a un Nour. Donne-moi kada. Sora, c'est Sora de Dua. La qui l'a dit, il a le shakhs. Et il est présent, il est capable. Il est kada. C'est pas du shirk. Il me passe son stylo. Et une autre personne, elle vient vers Nour. Elle lui dit. Il y a Nour. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 2 semaines. Dis-moi ce qui va se passer. Matalène, il veut voyager. Et il veut que Nour, il lui montre kada kada. Hada, c'est du shirk. Limada. Il est vivant, Nour. Il est haï. Il est le premier. Il est présent. Il lui manque quoi? Il lui manque quoi? Al-Qudra ma'inda. Ça, c'est khasum billah. علم الغيب خاص بالله خاص بالله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الغيب إلا الله يك الله كي connaît la vision. C'est l'invocation, donc on l'a divisé en deux, shirk et pas shirk. قال الشيخ العثيمين وغفت قال فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله أي il demande une chose qu'il y a qu'Allah qui est capable de la donner. Ça c'est du shirk. قال من دعا أو قبل هذا قال إلا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو ميتا. Ça te montre que le mas'ala, c'est pas qu'il est vivant ou mort. Non, il y a trois choses. Maintenant, la personne, elle est vivante. Laquelle, elle n'est pas présente. Et Anta, tu lui demandes. Bada a sauvé al roulat. Sauvée, Al-Ghoulat, maintenant il va dans un autre pays, son cheikh, il est je ne sais pas où, il lui demande. Il lui demande, Hada, il a une aqida sur lui. Il ne peut pas te répondre, lui, il ne t'entend pas, t'es loin. T'es loin. Maintenant il est au Yémen, il demande quelqu'un à Madri, en Arabie Saoudite. Il dit, oh, Foulan, donne-moi kada. A'oudou billah. Ça, c'est du shirk. Enfin, ça dépend. L'histoire de Hayy, Mayyit, Qadir, c'est important. En tout cas, il faut que tu comprennes les trois. Les Anna, ça peut être du shirk et la personne, il est vivant. Nous, souvent, on dit, il invoque les morts, il invoque. Même vivant. Tu vas vers un vivant, tu lui demandes l'invisible. C'est du shirk. Les Anna, t'as une aqida que ce vivant, il a shaym la rububiyya. L'invisible, c'est que pour Allah. C'est une sifa pour Allah. Il n'y a personne qui connaît. Les Mada, tu vas demander ce vivant. الدعاء في هذا الحال سدي الشرك وسدي الكفر الى بيرسون سور دو الاسلام ولو في الصلاه ولو في الحج ولو في الصيام ولو يدي الشهاده سالو سيرا ريان دو تو لان وقع في ناقد من نواقض الاسلام سي كوم اون بيرسون كان لي ابلوشن كان لودو اي لا بيردو لودو تا في لودو tu l'as fait, tu l'as. Il y a une chose qui t'a fait perdre l'eau d'eau. Tu dois refaire l'eau d'eau. Fal'an, tu étais musulman. Tu avais shahada, tu avais gada. Si tu fais ça, tu n'as plus d'islam. Tu as perdu l'islam. Tu dois faire tawba et revenir. Et si tu meurs à la hada al-had, tu meurs mushrikun kafir. Mushrikun kafir. Fal'amri le khatir. Al-amri le khatir diddan. Qal. Wa man da'a hayyan. بما يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان اطعمني يا فلان اسخني فلا شيء فيه لا شيء فيه صدق تقدمت معنا المسألة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال لا تفهم لا موديسيتي في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها إلا حاجة من فرسان إلى بلغيان إلى أما toutes les 2 minutes donne-moi ça passe-moi ça ça c'est منهي عنه حتى الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم معنا بعضهم ils faisaient tomber quelque chose, maintenant il était sur sa monture et il avait un bâton pour guider la monture. Il le faisait tomber, il demandait à personne, il descendait, il le prenait. Les Allah, ils ont fait bay'a le Nabi alayhi salam, Allah nas'al an-nas shay'a. Le Nabi alayhi salam, il les a éduqués comme ça, al-iffa. Là, il y a un musulman, toutes les deux minutes, il va. Mettre la sahab jam'iyyat, toutes les deux secondes dans la masjid, donne-moi kada, donnez-nous kada, on a besoin de kada. Là, il y a un bari'a. Là, il y a un bari'a. Al-iffa. Les sahaba, ils ne demandent rien à personne. Ils ont fait le bay'a à la hada. Ou le Nabi sallam, il a montré un katrat al-mas'ala. Le fait de demander beaucoup, la personne, yawm al-qiyamah, elle vient avec le visage et elle a la peau sur les os. Tellement qu'il demandait beaucoup. C'est pas sûr que ça. Ça, c'est le soual que Shoukh Utaymin dit l'un. Hada l'afdal tarko. Lakin celui qui demande, il peut tomber dans l'if. S'il a une haja, c'est yajou, c'est mubah. Ça dépend. On l'avait vu, nahlou al-mas'ala. On va pas la refaire ici. Lakin pour te montrer. C'est Yajou, c'est pas du shirk. Lakin, tu peux tomber dans l'is. Celui qui demande beaucoup et il n'y a pas de haja, là, demande pas. Demande rien aux gens. Léana, le fait de demander aux gens, tu vas être lourd. Et les gens, ils vont te lâcher. Tous les jours, ah, viens, ils demandent quelque chose. Tu vas dire, là, fala tas'al. La tas'al. Tant que tu peux rien demander, demande rien. Demande rien. Allah, hatta le stylo, si tu peux passer, je demande pas, demande pas. Après, c'est une haja. Là, bas, on dit pas, nahlou, ça interdit là. Lakin, l'insan, qui est afif, Allah Azza wa Jal, yughni min fatli. Yughni min fatli. Sahaba, ils étaient hakada. Ils demandaient rien à personne. Ils demandaient rien. Ils demandaient à Allah Azza wa Jal, ils faisaient les sabbats. Amma, daïman vers les gens, c'est pas taïb. Ala kulli hal, cette surah, c'est pas du shirk. L'imada, c'est pas du shirk. La sourate qu'on a dit. Maintenant, comme on a dit, je demande à Ismaïl Kada, je lui demande son livre. Il est présent, il peut me le donner, il est capable là-bas. Là, on a dit l'afdal al-insan, et Inch'Allah, on verra s'il y a force. Dans un des livres, on expliquera al-mas'ala. Cheikh Mokbir, rahimahullah, la risala nafi'a fi hada. Dham al-mas'ala. Dham al-mas'ala. Et le fait de demander aux gens, c'est madhmoum. On parle pas de la sourate du shirk. Le shirk c'est du kufr, tu sors de l'islam. On parle non, dès que c'est pas du shirk. Al-insan, al-afdal yabta'id an hada. Qal ya fulan isqini fala shay'a fih. La shay'a fih fi nadhar. Bal qad yakun fi shay'. Si c'est idha kathar ya fad haja, fi shay'. Amma al-haja itu na'am la shay'a fih. فلعل مراد شيخ ابن عثيمين هذا قال ومن دعا ميتا او غائبا بمثل هذا فانه مشرك نعم مثلا الان تدمض امور دنوا كذا يعني tu veux boire, tu veux manger, tu vas voir un mort, il y a fulan, donne-moi kada. C'est du shirk. لماذا نور احسن parce qu'il n'est pas قادر. Suivez le dars, ya jama'a. قال ميتا او غائبا مثل هذا فانه مشرك لان الميت او الغائب لا يمكن ان يقوم بمثل هذا فدعاؤه اياه يدل على انه يعتقد ان له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا. مشركا في ماذا؟ سي دوموند او مور اي با كاباب الى فد الشك دو ماذا؟ دو لادوراسيون. احسن كذلك. لماذا الان دو لا سوره كي لا ديجو لا دومينيا دي الشرك في الربوبيه؟ أحسنت. لا بأس عبد الملك. أحسنت. لأنه يعتقد كسموه إلى تصرف في الانيفير في الكون. C'est Allah عز وجل qui fait ça. Allah qui te donne, qui te prend, qui enlève. الآن lui c'est quoi qu'il l'a poussé à demander? C'est sa aqida dans le mort. فانظر انظر où qu'ils sont arrivés حتى الشرك في الربوبية الآن. الله المستعان. قال واعلم أن الدعاء نوعان. Dua mas'ala wa dua ibada. Al-an, l'invocation, elle se divise en deux. T'as compris que l'invocation, c'est pour Allah seul. T'as pas le droit de la donner à autre qu'Allah. Dans une chose qu'il y a qu'Allah Azza wa Jalla qui est capable, t'as pas le droit. Al-an, elle se divise en deux. Dua mas'ala wa dua ibada. Tu sais qui nous résume avant qu'on lit. On l'avait fait hada plein de fois. Fadam. Non. C'est pas fi salat faqat, c'est quoi du'a ibada? يعني هنا عبادة تفضل سبا واضح أحسن لكن سبا واضح si quelqu'un a jamais entendu la مسألة ما أظن سيفهم لكن أحسن t'as donné البداية continue إسماعيل لماذا دعاء العبادة il y a un rapport entre l'ibada et le dua لا لا عندك أحسنت دعاء العبادة أي toutes les invocations toutes les adorations que tu fais c'est quoi le but c'est comme si tu demandais à Allah عز وجل الجنة et de t'écarter de النار maintenant tu fais le hajj c'est pourquoi c'est une ibada c'est le hajj لكن أنت tu fais le hajj c'est pour te rapprocher d'Allah et le fait de faire le hajj c'est comme si tu demandais رضا الله إلى آخر enfin toutes les adorations c'est une dua ou c'est un dua tout لماذا لأن كما سيقول جمع العثيمين أن العبادة tu l'as fait pourquoi pour te rapprocher d'Allah عز وجل c'est comme si tu disais Allah يا الله je me rapproche de toi donne-moi كذا donne-moi الجنة إلى آخر la deuxième dua مسألة ياسين هذه elle est facile elle est واضحة ما معنى دعاء المسألة؟ لا تسأل تسأل تسأل الله الله إلي على كل شيء قدير تفضل تقيد فيما يقدر الله على كل شيء قدير تقيد في المخلوق أما تسأل الله تطلب شكرا تشوفه الله إلي على كل شيء قدير قال فالآن أضليق شغل عتيمين إن شاء الله سوف يتواضح قال وعلم أن الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة L'invocation se divise en deux. Mas'ala, le fait de demander, et une invocation, l'adoration. Al-Ula qala fa du'a al-mas'ala, huwa du'a al-talab, ay talab al-hajat. Naam, ay tu demandes. Tu demandes ce que tu as besoin à Allah. Qala wa huwa ibada idha kana min al-adli rabbih. Naam, c'est une adoration si tu demandes à Allah. Si tu demandes à autre, c'est pas une adoration. Ça peut être du shirk, et ça peut être autorisé. Ça peut être autorisé. Lakin, dès que c'est Allah, c'est une adoration. C'est une adoration. On a vu le tafsir avant. قال لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه واعتقاد أنه قادر كريم واسع واسع الفضل والرحمة نعم والله ذو الفضل العظيم قال ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة كما سبق في قول القائل يا فلان اطعمني نعم le fait de demander si c'est pour Allah si tu demandes à Allah c'est une invocation si tu demandes à autre qu'Allah s'il est capable il est présent il est vivant c'est pas du chef s'il manque un des trois tu demandes une personne il n'est pas capable il n'est pas là il a hada c'est du chef hada c'est du chef hadi c'est dua al mas'ala le fait de demander c'est ce qu'on appelle le dua les connus maintenant tu dis fait dua Allah azza wa jal ay demande tassalla alors la deuxième قال واما دعاء العبادة قال فأن يتعبد به للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه وهذا لا يصح لغير الله وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة وعليه يقع الوعيد قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادة سيدخلون جهنم داخرين هذا الآن شرع الديمين دي أما دعاء العبادة فأن يتعبد به للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه سسا دعاء Le fait que tu adores Allah Azza wa Jal, pourquoi tu l'adores toi? Pour te rapprocher de lui et rentrer dans le Jannah et tu t'écartes de l'Nar. Enfin, le fait que tu adores Allah, c'est comme si tu avais demandé le paradis al Jannah et tu avais demandé qu'Allah t'écarte de l'Nar. Enfin, min hadhihi al-haythiyya al-ibada, c'est quoi? C'est dua. Ils ont appelé ça dua ibada. Enfin, dua ibada, c'est quoi? C'est l'ibada. C'est l'adoration. Ils l'ont appelé dua li hadha al-amr. Amma dua mas'ala, c'est la dua qui est connue indana, et le fait d'invoquer de demander. Mafhoum? C'est واضح. تفضل يوسف. Celui qui n'a pas compris, c'est l'un. تعبد. عبادة. Ça vient de عبادة. Maintenant, il est تعبد, et il adore. Il adore. L'invocation et l'adoration. L'invocation, elle se divise en deux. La demande, c'est la première. Maintenant, tu dis, Ya Rabbi, donne-moi Kada. Ça, la première. La deuxième, c'est l'adoration. Maintenant, tu fais Salat. Pourquoi Salat, c'est une invocation? Indamen. Voilà. Vous avez compris. Qala sur l'islam, wa dalil al-khawf. Qawluhu ta'ala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. La deuxième ibada, al-khawf. Al-khawf, on va voir que c'est une ibada. Et on va voir qu'il y a un tafsir, كذلك. Qala shaykh al-Utaymin, al-khawf, huwa al-du'r. Hakada bid-dham, vous savez. Bid-dham. Al-du'r. Qala, wa huwa infi'al, yahsul, bitawakku' ma fihi halak, au dharar, au ada. Al-khawf, c'est une ibada quoi? Qalbiya. الآن نستفيد أن هذه عبادة سبب عبادة قولية مثل الدعاء إبغض عبادة سفكرة قلبية مثل الخوف إبغض عبادة بدنية مثل الحج مثلا الطواف إبغض عبادة مالية avec l'argent مثل الحج أو الزكاة أو من هذه الأمور. Al-Hajj fait tafsir, si tu as besoin d'argent. Mais si tu es sur place, ta hajj, tu peux faire le hajj sans mal. Mais zakat, c'est un mital wadih. Tu te donnes l'argent, c'est l'ibad. Al-Khawf, c'est le chayf al-qalb. Qal, infi'al, yatawakka ma bihi halak, ou darar, ou adha. Naam, maintenant, il y a une chose, elle peut te faire du mal. Dans ton cœur, il y a quelque chose, il va bouger. Ça s'appelle Al-Khawf. Al-Khawf. Maintenant, واحد, il te pointe une arme. Ou tu vois un serpent à mamak, tu vois Madri, tu vois. Hadi l'humour, ça va te faire bouger ton corps et ça s'appelle Al-Khawf. Et le visage, il change, et kada. Tout ça, ça vient min al-qalb et ça s'appelle Al-Khawf. Fas-Khawf, le fait que ton cœur il bouge pour quelque chose, ça dépend de cette chose. C'est pour ça Al-Khawf vient qasim il a aqsam. Qal, on va voir les parties de la peur. قد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده نعم فلا تخافوهم وخافون تفضل وضع بخطر رضك الله عز وجل صوف بضع الخوف طبيعي يدي شوز سناتشغل ناتشغل ان ترسل التبعي نعم سور لاتك تون كير بوجي تانيت خمى هذا لكن يدي شوز سكبغ الله الخوف مثلا تفضل وضع بخطر دمار تفضل وضع بخطر دمار لماذا C'est quoi la différence? Avoir peur d'un mort et avoir peur maintenant d'un lion. Il y a un lion devant toi, il y a un chien, il y a un minhadi l'humour. T'as peur qu'il te mord, t'as peur. Mais c'est quoi la différence entre le mort et t'as peur d'un serpent ou d'un lion? Il a akhir. Ahsant, Adal Mayyit, il peut rien te faire, il est sous terre. Anta, si tu veux, tu vas, tu le déterres, tu lui fais du mal. Anta, si tu veux. Amma huwa, il est où le mal qu'il va te faire? Enfin, celui qui a peur du mort, ça veut dire quoi? Non, mais pourquoi? Ahsan, celui qui a peur d'un mort, ça veut dire que dans son cœur, il croit que le mort il peut lui faire quelque chose. Et après, il fait du chef. Fa'anta al-khawf, al-mizan, il est houla. Qal, al-naw al-awwal. Ou hada, on le laisse pour demain. Demain, on rentre dans Aqsam al-khawf. Accrochez-vous, révisez. L'an, on va avancer, ya jama'a. Le kitab, il faut qu'on avance. L'an, al-matloub minkum, vous révisez. Et vous suivez. Et attends, les dorous, ils sont faciles. L'aqiqa, il n'y a pas plus simple. Laquelle, hatta vous suivez, hatta on avance. Il n'y en a plus, il faut qu'on avance. L'an, hatta on prend les autres livres. Bi-idnillah. Allah, tawfir. Fadda fu'an. ماذا؟ قول المي لا يستطيع أن نفعه القلب غيره لأنه في أول الأمر لا يستطيع أن نفعه ولا أحسنت أن الميت il peut pas se faire du mal et du bien à lui-même. Le mort il pourrait se faire du mal, du bien, il aurait fait quoi? Il serait revenu. Il y en a, les gens ils aiment pas la mort. Lakin huwa il arrive pas à se faire du mal. Comment tu veux ou du bien? Comment tu veux qu'il te fasse à toi? Si t'as la aqida, ton cœur, il croit que le mort il peut faire quelque chose, al-an t'as une aqida dans le mort, il faut vite enlever ça. Mort il peut rien te faire à mort. Il peut rien te faire. Il y a des vivants, ils peuvent rien te faire. Des vivants ils sont baïfs, ils ont peur, ils ont. Qu'est-ce un mort il est sous terre. Fatal Ismaïl. نعم tout ça c'est des عبادة قلبية et ça va venir قال ابن كثير بالنص طيب تفضل يوسف ماذا الذعر sûr, ça démane le khouf. Inch'Allah, pour demain, quelqu'un cherche la définition. T'as un dictionnaire. Bil arabiya. T'as bil arabiya. Tayyib, demain, on met nous la définition du dhu'r. Hatta nastafid. Amma al murad, huna, al khouf, huwa al dhu'r. Fadhu'r, c'est le khouf. Stafadna, amna, al dhu'r, c'est le khouf. Et nous, c'est quoi le khouf? Al khouf, il n'y a pas besoin de ta'rif. Khouf, c'est connu. Qala ibn Kathir, tfaddal nour, si tu veux écrire, ou celui qui veut écrire. Je vous amène que le shahid, qala. Vous mettez kalam al-nas d'Ibn Kathir, c'est quoi? Yastahiqqu. Ah, je vous le donne depuis le début. Qala rahimahullah ta'ala, qala wa madmounuhu annahu al-khaliq, al-raziq, malik al-dar. Aïe Allah. C'est écrit. T'as pas encore dégainé, ya Nour. Madmounuhu annahu al-khaliq, al-raziq. Aïe Allah, al-khaliq, al-raziq, malik al-dar. Aïe, c'est lui le malik. Aïe, jami' al-alamin, c'est son mulk. Ça va impliquer quoi que ça? Qal, fabihada yastahiqu, fabihada yastahiqu. Aïe, Allah avec ça, il mérite quoi? Fabihada yastahiqu, an yu'bad wahda. Fabihada yastahiqu, an yu'bad wahda. ولا يشرك به غيره ولا يشرك به غيره فكلام ابن كثير سلسا أما شغل الإسلام في الأصول الثلاث إلا أمني بالمعنى فنحن الآن هنا كلام بالنص أفضل ابن كثير الذي هذه بهذه الحروف ولا يشرك به غيره انتهى celui qui veut le كلام il est في تفسير ابن كثير عند الآية سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك